Connaissez le Red Champagne? C'est une boisson unique, au goût unique. Et avec le beau temps qui arrive, il fait bon se désaltérer avec le Red Champagne, au goût qui nous ressemble. En ouvrant une bouteille de Red Champagne, vous sentez ce bon goût de pomme rouge. Au cours de l'été, ne vous privez pas du plaisir de déguster Red Champagne. Red Champagne, disponible partout. Philippe Simard et fils, distributeur de Red Champagne, salue le mois de l'arbre et de la forêt. Dernière chronique de l'année avec notre ami Phil Desgagnés. Quand arrive un problème électrique, on est souvent désemparé. Alors, ne cherchez plus. Il y a les électriciens du Nord, 1025 Première Avenue, L'Ascension. Notre spécialité, les installations commerciales, résidentielles ou industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible. 40 ans dans notre milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Faites confiance à des pros. Contactez immédiatement les électriciens du Nord, 88-347-5103. Toute notre équipe salue le mois de l'arbre et de la forêt. On va parler de golf avec notre ami Serge Cloutier. Salut Serge. Salut Danny. Serge, Phil Nicholson, une page d'histoire en IS qui a fait, c'est exceptionnel. Je connais pas beaucoup le golf, par contre, je peux te dire qu'à 51 ans, c'est quand même un exploit extraordinaire. Ben, c'est le premier golfeur de l'histoire à gagner un tournoi majeur à l'âge de 50 ans. Parce que il n'y en avait jamais eu auparavant. Il y avait eu Jack Nicklaus qui en avait gagné un, mais à 46 ans. OK. Puis là, il a reçu des félicitations de partout, dont Justin Thomas, qui avait été éliminé en fin de semaine, qui n'a pas joué samedi-dimanche, et Tiger Woods. Tiger Woods qui a dit, c'est exceptionnel ce que vient de faire Phil Mickelson. C'est bon pour le golf, c'est bon pour l'inspiration de tout le monde. Hey, gagner un tournoi majeur avec des jeunes qui ont 21, 22, 25 ans, à 50 ans, avec un terrain aussi difficile, ben chapeau. Parce qu'il est même rendu sur le circuit senior. Parce que le circuit senior, c'est à partir de 50 ans. Puis lui, ben, il a tellement gagné dans sa vie qu'il est exempt de qualification à tous les tournois. Fait que là, il pensait jamais de gagner. Mais il a réussi à jouer 4 bonnes rondes. La dernière, c'est un au-dessus de la normale, mais les 3 autres étaient en bas. Il a fini à moins 6. Moi, je me souviens très bien, vendredi, Danny, je t'avais dit, ça va se gagner moins 7, moins 8. Mais regarde, ça s'est gagné à moins 6. Alors, le terrain, là, quand tu gagnes avec un moins 6, c'est parce que c'est un terrain extrêmement difficile. Ouais, c'est clair. Puis dis-moi une affaire. T'as parlé de Jack Nicklaus, mais c'est pas du tout la même affaire. Jack Nicklaus, le golf était pas ce qui était aujourd'hui. Il n'y avait pas d'Européens. C'était beaucoup plus facile, me semble, dans le temps qu'aujourd'hui, non? Ben, c'était oui et non. Je veux dire, c'était pas le même équipement. Tu sais, Arnold Palmer, Jack Nicklaus, Ben Hogan, tous ces gars-là, Gary Player, c'était des gars qui avaient énormément de talent. Sauf que c'était pas le même équipement qu'aujourd'hui. Il y avait moins de jeunes loups qui étaient sur le circuit, même s'il y en avait quelques-uns. C'était des talents de très haute qualité. Mais quand on voit les jeunes d'aujourd'hui, là, on regarde Kepka, on regarde des bons golfeurs. Il y en a en fin de semaine, Danny, qui n'ont pas fait la cote, qui s'appelle Dustin Johnson, qui est supposément le meilleur au monde. Il n'a même pas joué en fin de semaine. Justin Thomas n'a pas joué en fin de semaine. Les gars ont fini à moins 1, moins 2, les John Ram, les Morikawa, les Abraham et Sir Paul Casey. Tu sais, ils n'ont pas mal joué, mais ils ont joué tout près de la normale. Pour que Mickelson gagne ça, il faut qu'il soit bon par à peu près. Oui, effectivement. Dis-moi, les conditions avaient changé beaucoup, en fin de semaine. Oui, les conditions, il ventait plus. Si tu sortais de l'allée, tu étais au mauvais endroit, tu étais dans l'herbe haute. Puis les verres roulaient, mes amis. C'est des verres qui sont peut-être à 13 ou 14. Pour ceux qui suivent le golf, c'est extrêmement rapide. Alors, il faut que tu aies de bonnes mains, puis il faut que le putting, il faut que tout fonctionne. Mais il faut que le putting également soit très bon, sans ça, tu ne gagneras jamais. Oublions pas là, qu'on est en 2021, puis Phil Mickelson n'avait jamais été le meneur dans un tournoi depuis 2016. Ça fait 5 ans. Oui. Quand tu regardes tout ça, il faut dire que Mickelson a émerveillé la galerie. Effectivement. Serge, un gros merci au plaisir de se parler. On s'en parle pour le prochain tournoi majeur. Bien, ça va être le US Open dans quelques semaines, puis on se reparlera à ce moment-là. Serge Cloutier, qui nous parlait de la victoire historique de Phil Mickelson.